Chapitre 18. Depuis 5 jours, Sharon travaillait à reproduire une fresque à dominante rouge, des satyres jouant de la flûte, à l'intérieur d'une maisonnette où elle avait le plus grand mal à bouger sans s'écorcher les coudes et les épaules. Parfois, la chaleur devenait si lourde qu'elle s'endormait le pinceau entre les doigts. Des rêves la submergeaient alors, où elle se voyait sous les traits d'une jeune pompéienne jouant à jeter de la nourriture aux murènes. Il arrivait que le songe se muât en cauchemar. Dans ce cas, quelqu'un surgissait derrière elle pour la pousser dans le bassin. À peine était-elle dans l'eau que les congres lui déchiraient les joues. C'est à ce moment qu'elle s'éveillait en sursaut et se cognait la tête au plafond du bâtiment. En dépit de ses menus inconvénients, elle appréciait son séjour chez Devereaux. Elle avait l'impression d'avoir intégré un collège d'art plastique aux méthodes peu orthodoxes, l'une de ces institutions bizarres d'où l'on sort nanti d'un diplôme dépourvu de valeur, l'esprit si déformé qu'on n'a plus désormais aucune chance de s'insérer dans la société et qu'on reste, jusqu'à son dernier souffle, un déclassé heureux de son sort. Le matin est consacré à l'élaboration des couleurs à partir de baies, de pierres broyées, d'insectes grillés puis émiettés. C'était une cuisine répugnante mais qui passionnait la fillette. Devereaux connaissait parfaitement les méthodes de travail des peintres de l'Antiquité. Il savait comment obtenir des pigments magnifiques en mettant du fer à macérer dans de l'urine de zèbre, ce qui n'est pas à la portée du premier barbouilleur venu. À partir d'asticots écrasés, de pucerons malaxés, il composait une palette éblouissante comme le carmin de cochenille. Ces transmutations magiques émerveillaient Sharon. Amy lui manquait, et ce vieux dingue de Ziegfeld, mais elle s'appliquait à surmonter sa tristesse. Elle devait apprendre à se passer d'eux. Cette cure d'éloignement constituait à ses yeux la première phase d'un détachement qu'elle souhaitait définitif. Après tout, c'était de leur faute si elle était aujourd'hui défigurée. S'il n'avait pas tenté de cambrioler le château de son père, l'incendie n'aurait pas eu lieu, et à l'heure présente, elle serait toujours la jolie petite châtelaine devant laquelle s'inclinaient les paysans des métairies voisines. Au lieu de cela, elle était devenue un objet de dégoût condamné à la solitude. Elle avait assez d'intelligence pour deviner ce qui se passerait dans quelques années, lorsqu'elle éprouverait le besoin de s'adjoindre un compagnon. Une petite fille au visage abîmé suscitait la compassion, certes. Mais une femme défigurée, on s'en détournait avec répulsion. Cette triste existence, elle la devrait à Amy Sweetheart et Siegfried Horst, ses merveilleux amis. Le comble, se disait-elle, ce serait de m'attacher à mes bourreaux, de finir par les considérer comme des parents adoptifs. Ça ne doit pas se produire. Elle en était là de ses réflexions quand la main de José se posa sur sa cheville, chaude et un peu gluante, comme toutes les mains de garçon. « Hé !» souffla le jeune Brésilien. « Arrête de jouer les taupes, sors de ton trou. Devereaux s'est endormi et il a sifflé 2 pintes de bière. Il en a pour l'après-midi. » Sharon rampa à reculons pour s'extraire de la maisonnette. La lumière du soleil l'aveugla. « Écoute, » dit le garçon. J'en ai parlé avec mon frère et mes sœurs. On a décidé de t'initier au mystère de l'île. On sait que tu sauras tenir ta langue, tu n'es pas du genre causant. Nous, les gosses, on doit s'organiser contre les adultes. Tu as bien compris qu'ils vont finir par s'entretuer, non? Tu crois? Bredouilla Sharon. Mais oui, c'est inévitable, s'impatienta José. Il y aura une guerre tôt ou tard. Les bûcherons contre les mécaniciens, les hommes contre les femmes, ou ce genre de truc. Nous, les enfants, on doit s'y préparer et se débrouiller pour survivre. Quand tous les grands seront morts, on deviendra les maîtres de l'île. Où veux-tu en venir? On va te faire voir quelque chose. Suis-moi. Tu devras en parler à personne. Jurer, jurer. Avec des airs de comploteur préparant l'assassinat d'un monarque, José s'engagea sur la pente volcanique, dans le dédale des broussailles. « Tape des pieds en avançant, conseilla-t-il, pour faire peur aux serpents. Ils sont sourds, mais ils perçoivent les vibrations par la peau du ventre. Ça les effraie. Ils croient qu'une grosse bête va leur marcher dessus et ils partent se cacher. Sharon obéit. De minces sentiers sillonnaient la végétation. Un adulte n'aurait pu s'y déplacer sans être lacéré par les épines. José s'arrêta pour désigner un trou dans le sol. « C'est là, » annonça-t-il. « Ça paraît étroit, mais après ça s'élargit. On a découvert cette entrée un jour que Pipa est tombée dedans, par accident. Aucun adulte n'est au courant, à part les sauvages qui se cachent au nord de l'île. Mais eux, c'est une autre histoire. Pour rien au monde, ils ne remettraient les pieds ici. » Sharon bouillait d'impatience. Elle s'engagea dans le boyau dès que le garçon s'y fut enfoncé. C'était effectivement étroit. On avait l'impression de forcer un terrier. Elle eut peur de rester coincée et suffoqua. Cette illusion se dissipa lorsqu'elle déboucha dans une caverne aux proportions impressionnantes. La lumière du jour pénétrait par mille fissures de la voûte, si bien qu'on pouvait s'y déplacer sans crainte de s'égarer dans les ténèbres. Sharon s'immobilisa, bouche bée. C'était immense. L'île est creuse, expliqua José, heureux de l'effet produit. En réalité, c'est un vrai gruyère. C'est comme un morceau de pain que la levure aurait rempli de grosses bulles. Tu comprends ? Son frère et ses deux sœurs se tenaient en retrait, assis sur une coulée de magma figée depuis des siècles. Tout ça, c'est de la lave refroidie, enchérit Chantipé. Il y a des milliers d'années, ça a bouillonné comme de la semoule sur le feu. Des poches d'air se sont créées un peu partout. Et voilà le travail. Sharon, émerveillée par cette géographie souterraine, les écoutait d'une oreille distraite. La caverne aurait pu abriter une petite ville. C'était une curieuse architecture d'alvéoles et de passerelles naturelles, deux ponts jetés au-dessus du vide, une véritable dentelle de pierre ponce, où la lumière filtrant du dehors installait des transparences fantasmagoriques. Ça ne s'arrête pas là, précisa Marinika. Après cette grotte, il y en a une autre, et encore une autre, et encore une autre. Ça finit par faire peur. Ça signifie surtout que le sol de l'île est complètement poreux, conclut José, pratique. Les arbres, les maisons, la jungle, tout ça repose sur du vide, ou presque. Personne ne le sait, à part nous. Les adultes s'imaginent qu'ils foulent la terre ferme, mais en fait de plancher des vaches, ils se promènent sur une feuille de papier à cigarette. Et cette mince pelure peut crever d'un moment à l'autre. Tu me fais visiter ? Demanda Sharon. Tout gonflés de leur importance, les garçons ouvrirent la route. Lorsqu'ils eurent atteint le fond de la caverne, la jeune Anglaise tendit l'oreille. Ses pieds captaient les vibrations de coups sourds et puissants qui semblaient monter du centre de la terre. Elle réalisa que les grottes étaient pleines d'une rumeur lointaine et inquiétante. Une sorte de grondement rythmé qui grimpait à l'intérieur de la pierre. « C'est quoi ? » s'inquiéta-t-elle. « La mer, » expliqua José. « Elle entre par les trous situés au-dessous de la surface. Elle circule à travers tout le sous-sol de l'île, utilisant les souterrains comme si c'était des canaux. Tu vas t'en rendre compte tout de suite. » Effectivement, dès qu'ils passèrent dans la grotte continue, Sharon découvrit qu'un lac de belles proportions en occupait le fond. Il était possible d'enjamber cette étendue d'eau en empruntant les passerelles naturelles qui s'entrecroisaient dans le vide. Sharon fronça les sourcils. Le gigantisme des architectures ne masquait pas leur fragilité. Partout où le regard se portait, il repérait des failles, des crevasses, des lézardes. J'ai l'impression de me promener à l'intérieur d'une potiche mal recollée, songea-t-elle. Au moindre coin un peu violent, tout ce truc volera en éclats. C'est bête, hein, lança José. Formidable, non ? Moi, ça me fait peur, gémit Marinika. Et puis, dans certaines cavernes, il y a des chauves-souris. Des milliers de chauves-souris pendues la tête en bas. Si on les effraie, elles s'envolent tout en même temps. C'est horrible. Et elles font caca partout, précisa Pipa. On en récolte plein les cheveux. Désireuse de prouver qu'elle n'appartenait pas à la race des petites filles géniardes, Sharon s'avança au bord du lac. On pourrait s'y baigner, lança-t-elle avec un enthousiasme fin. « Je te le déconseille, » fit Chantipé. « Il arrive que les requins remontent les canaux. Ils débouchent ici et se mettent à tourner en rond, incapables de retrouver leur chemin. Tu ne contemples pas un joli petit étang. C'est la mer. Une annexe secrète de l'océan. Il y a des poissons. Une fois, j'ai même vu une pieuvre. » Charon sentit la chair de poule hérisser le fin duvet de ses avant-bras. « Bon, c'est pas tout, » intervint José. « Les cavernes, c'est très bien. Mais on a encore mieux. Suis-nous. Marinika et Pipa vont rester ici. Elles ont le vertige. » Les garçons s'engagèrent sur les passerelles de pierre ponce, surplombant le lac souterrain. Charon leur emboîta le pas, en évitant de regarder en bas. « Faut faire attention, » lança Chantipé. « Certains ponts sont fragiles. Ils s'écrouleraient si on y posait le pied. On ne peut pas traverser n'importe où. Faut connaître. » Charon ne tarda pas à comprendre qu'ils avaient marqué l'itinéraire au moyen de taches de peinture rouge. La traversée s'avéra néanmoins acrobatique. Il était difficile de résister à la tentation de baisser les yeux. La jeune Anglaise remarqua des remous au sein du lac. Une ombre longiligne vint effleurer la surface. C'était trop petit pour un requin. Peut-être un barracuda. Elle poussa un soupir de soulagement en retrouvant la terre ferme de l'autre côté. Les garçons ne lui adressèrent aucun compliment. Elle en déduisit qu'elle avait réussi à les impressionner. « C'est par là, » indiqua José. « Attends-toi à une surprise. » C'en fut une. Un long couloir traversait l'île de part en part, du nord au sud. On l'avait étayé comme une galerie de mine. Des ornières parallèles creusaient le sol, indiquant que des wagonnets ou des charrettes l'avaient longtemps sillonné. Ébahi, Charon repéra des ours entassés tout au long du corridor. Des squelettes de chevaux, principalement. Ça et là, les planches d'un chariot avaient formé un monceau de ferraille et de bois pourris. Plus loin, elle trébucha sur des ossements humains, très anciens, caparaçonnés de lichen, puis sur une cuirasse rouillée. Le casque conique lui parut d'origine espagnole. Les conquistadors, songea-t-elle en s'agenouillant. Là-bas, commenta Chantipé, il y a une espèce de poste de garde creusé dans la roche, avec des épées, des mousquetons. Tout ça complètement bouffé par l'humidité, dont on a fini par trouver un journal de bord, en espagnol ancien. José a réussi à le déchiffrer. Ça s'est révélé instructif. La galerie traverse l'île de part en part, du nord au sud, expliqua José. C'était un couloir de circulation. Des charrettes le parcouraient d'un bout à l'autre pour récolter le travail des mineurs qui s'échinaient dans les galeries adjacentes. À chaque extrémité, les Espagnols avaient construit une jetée pour que leur galion puisse aborder. « C'était une mine d'or ?» demanda Charon. « Non, une mine de diamants, » répondit doctement José. « Les diamants se forment dans les cheminées volcaniques. Ils sont le produit d'une transmutation mystérieuse qui exige des températures effroyables et une pression inimaginable. Quand les conditions sont remplies, la lave se purifie et se change en gemme. Toc. C'était également un bagne, compléta Chantipé. Les conquistadors ont déporté des centaines d'Indiens rasiés en Amérique latine pour les faire travailler ici comme esclaves. Tout ça est consigné dans le journal dont je te parlais tout à l'heure. L'île, ils en ont obtenu la position en pillant les documents aztèques, reprit son aîné. Les Aztèques étaient très forts en calcul astronomique. Pendant des dizaines d'années, les Espagnols ont exploité le sous-sol, creusant des galeries en tous sens. Ce n'était pas trop compliqué, puisque l'île avait naturellement la structure du gruyère. Toute l'exploitation se faisait sous la terre, si bien qu'elle restait invisible de l'extérieur. Charon s'éloigna des garçons dont le bavardage pédant nuisait, selon elle, à la magie du lieu. Un fort courant d'air circulait au long des tunnels, le vent traversait l'île de part en part, s'engouffrant au nord pour ressortir au sud, ou l'inverse. Elle frissonna, glacée. Elle éprouvait de la difficulté à détacher son regard des ossements éparpillés par les tempêtes. Au fil des siècles, les os des esclaves s'étaient mélangés à ceux des geôliers. Les crabes n'étaient pas montés jusqu'ici, seuls les oiseaux de mer avaient eu le privilège de se repaître des cadavres. Après avoir parcouru une cinquantaine de mètres, elle trouva sur la droite l'entrée du poste de garde qui avait l'aspect d'une caverne cubique. Une odeur de moisie s'en échappait. « Faut allumer la bougie, » fit José, « sinon tu ne verras rien. » Il s'agenouilla sur le seuil pour frotter une allumette contre un grattoir. Une lueur tremblotante s'éleva. L'endroit était sinistre, verdi par le salpêtre et les lichens. Il y avait une table, deux bancs, des pichets d'étain. Au mur, un râtelier d'armes supportant des hallebardes, des arquebuses. Sur une étagère, des casques coniques achevaient de s'émietter sous l'action de la rouille. Sharon eut la conviction que tous ces objets seraient tombés en poussière si elle avait commis l'erreur d'y poser le bout de l'index. Sous la table, des ossements humains s'entassaient en vrac, probablement ceux des gardiens. « Que s'est-il passé ? » demanda-t-elle enfin. « Il y a eu une mutinerie ? Ils se sont entretués ?»« Non, » fit Chantipé. « Quelque chose de beaucoup plus horrible. »« C'est raconté dans le journal. Il y a eu une épidémie de lèpre. » La fillette frissonna. Instinctivement, elle fit un pas en arrière et frotta ses mains sur sa robe pour les nettoyer. « La lèpre » chuchota-t-elle, comme s'il suffisait de prononcer le mot à voix haute pour réveiller le mal. « Oui, » souffla José. C'est probablement venu avec l'un des esclaves. Et puis ça s'est transmis de proche en proche. Les Indiens se sont retrouvés contaminés. On a essayé de les badigeonner à l'huile de chou mou gras, mais ça n'a rien donné. La contagion s'est étendue. Les pauvres boucs ont commencé à pourrir debout. Ils s'émiettaient, ils perdaient leurs doigts, leurs oreilles, leur nez. Au bout d'un moment, il leur est devenu impossible d'utiliser les outils. Et les soldats s'enquicharonnent en croisant nerveusement les bras. Les geôliers étaient terrifiés, tu penses? Ils ont essayé de refouler les malades au fond des tunnels en leur tirant dessus à coups d'arquebuse. Ça a duré des mois. C'est fidèlement rapporté dans le journal du capitaine Alfredo Mendoza qui commandait la garnison. Les soldats auraient bien fichu le camp, tu imagines? Intervint Chantipé. L'ennui, c'est qu'ils ne possédaient pas de bateau. Pas de bateau? « Non, juste une chaloupe pour faire le tour de l'île. C'est que le gouvernement espagnol ne tenait pas à ce qu'il s'enfuit avec les diamants. Un tel trésor aurait pu leur donner de mauvaises idées. Alors, pour leur ôter l'envie de céder à la tentation, on les avait tout bonnement privés d'embarcation. En fin de compte, ils étaient tout aussi prisonniers que les esclaves dont ils avaient la charge. » Les équipes étaient relevées chaque fois qu'un galion de la couronne d'Espagne venait prendre livraison des diamants, c'est-à-dire une fois par an. Sharon éprouva le besoin de sortir du poste de garde dont l'odeur l'indisposait. Elle fit face à la lumière qui brillait au bout du tunnel, s'offrant au courant d'air dont le souffle plaqua sa robe sur son corps maigre. Elle espérait que le vent de la mer la laverait des miasmes qui stagnaient ici. « Ça a dû être épouvantable, » murmura-t-elle. « Je pense, oui, » concéda José. « Tu imagines, une guerre d'escarmouches souterraines, les types se guettant au carrefour des tunnels, les soldats tremblant devant les risques de contagion, les esclaves n'ayant plus rien à perdre. Il y a eu des massacres. Les Espagnols ont essayé d'incendier les galeries en y faisant rouler des tonneaux de poids enflammés. » Sa voix vibrait d'une excitation louche. Sharon devina qu'il revivait par la pensée ces événements formidables. « Ça s'est terminé comment ? » lança-t-elle, désireuse d'abréger ce sinistre récit. Le galion annuel s'est présenté, mais en apercevant le pavillon de quarantaine, il a refusé d'aborder. Il a fait demi-tour sans prendre livraison des diamants. Avant de partir, il a toutefois mis une chaloupe à la mer, une chaloupe contenant quelques médicaments, du rhum, des munitions et 10 barils de poudre. Dans une lettre, le commandant du navire conseillait à Mendoza de purifier les tunnels par le feu et de prier, oui, de prier avec ferveur. Et ensuite, les soldats ont tenu encore 6 mois, puis les désertions ont commencé. Les gars abandonnaient la surveillance des tunnels pour s'en aller vivre sur l'île. De leur côté, les Indiens ont fini par découvrir que certaines galeries communiquaient avec l'extérieur. Ceux d'entre eux qui étaient encore sains ont fait comme les déserteurs. Ils ont quitté la taupinière pour s'établir dans la jungle. Les lépreux, eux, sont restés dans les souterrains. Et le capitaine Mendoza? Il a été contaminé. Dans les dernières pages du journal, il explique qu'il devra bientôt renoncer à écrire parce qu'il n'aura plus assez de doigts pour tenir sa plume. Sharon fit un bond en arrière. « Quoi ? » hoqueta-t-elle avec une convulsion de dégoût. « Et tu as feuilleté ce bouquin ?»« Du calme, » fit José. « C'était il y a des siècles. La maladie n'a pas survécu autant. »« C'est pas si sûr, » intervint Chantepé. « Tu oublies la malédiction. » « Quelle malédiction ?» aboya Sharon, consciente de se montrer trop nerveuse. « Je me comporte comme une idiote, » songea-t-elle. « Je fais la fille. Dès que j'aurai le dos tourné, ils se ficheront de moi. » « Les lépreux ont maudit le trésor, » lâcha José. « Il paraît, toujours d'après les récits de Mendoza, que les esclaves ont entassé au cœur des souterrains tous les diamants qu'ils ont continué à extraire au cours de leur dernière année de captivité. » Les pierres constituent un tas énorme d'une valeur inestimable. Mais quiconque y touchera attrapera aussitôt la lèpre. Voilà, c'est le contenu de la malédiction. Dans le dernier paragraphe de son journal, Mendoza supplie ceux qui exploreront les galeries de ne pas poser la main sur les joyaux sous peine de tomber en miettes comme lui-même. Ensuite, il recommande son âme à Dieu. Il exprime dans un style assez ampoulé l'idée que la lèpre lui a été envoyée pour le punir de la cruauté avec laquelle il a traité ses prisonniers. Ça s'arrête là. Après, il y a encore des gribouillis, mais ça devient illisible. Je suppose qu'il n'arrivait plus à tenir correctement sa plume, faute de doigts. Tais-toi, supplia Sharon, c'est immonde. Elle avait envie de se mettre à courir, d'émerger du tunnel pour retrouver l'air libre. Mais elle savait que les garçons la surveillaient du coin de l'œil, la jaugeant. Alors, les sauvages qui vivent sur l'île sont en fait les descendants des esclaves, c'est ça ? Lança-t-elle. Oui, fit José, ce sont des Indiens. Ils parlent une espèce de sabir mêlé d'espagnol. Ils continuent à avoir très peur des tunnels. Ils assimilent le sous-sol de l'île à l'enfer. Ils sont persuadés que le trésor existe et qu'un jour un blanc essaiera de s'en emparer, ce qui réveillera l'épidémie. Comment tu sais tout cela ? Tu les as rencontrés ? Oui, ce n'est pas difficile. Ils sont pacifiques. On peut aussi faire du troc avec eux. L'avantage, c'est qu'ils comprennent encore un peu l'espagnol. Quelques dizaines de mots, ça suffit pour communiquer. J'ai d'ailleurs commencé à apprendre leur langue. Ils ont peur de la lèpre. Dès qu'ils voient une fissure dans le sol, ils s'empressent de la boucher pour empêcher la maladie de sortir par là. Vous avez exploré beaucoup de galeries ? Non, on a eu peur de se perdre. C'est un vrai labyrinthe. Il faudrait dessiner une carte. Chantipé se dandina d'un pied sur l'autre. Après un instant d'hésitation, il se décida à avouer. Et puis, cette histoire de malédiction, c'est peut-être vrai. On n'en sait rien. Tu comprends pourquoi il ne faut pas en parler aux adultes ? Insista José. S'ils apprenaient qu'il y a une montagne de diamants sous leurs pieds, ils deviendraient dingues. Ils se bousculeraient pour descendre ici. Moi, ça me plaît bien d'en savoir plus qu'eux. Ce trésor, il est à nous. Ils l'ignorent, mais nous sommes immensément riches. Toi, moi, Chantipé, Marinica et Pipa. Sachant cela, ça me fait bien marrer de les voir s'agiter comme des fourmis. Sharon consentit à sourire. Il avait raison, c'était assez drôle. Elle imagina la tête qu'aurait fait Ziegfeld s'il avait appris la nouvelle, lui qui salivait déjà devant l'affreuse couronne du trésor royal britannique. « Il en aurait une crise cardiaque », se dit-elle en pouffant de rire. Comme les adultes devenaient vite pitoyables dès qu'on en savait plus qu'eux. « Bon, assez rigolé, » soupira José. « Faut rentrer avant que Devrault émerge de sa cuite. » Inutile d'éveiller sa curiosité. « Un autre jour, » promit Chantipé, « on te fera rencontrer les Indiens. » Sharon dormit plutôt mal cette nuit-là. À plusieurs reprises, elle rêva des lépreux entassés dans les tunnels. Elle voyait les soldats espagnols les repousser à la pointe de leur hallebarde. Des mains difformes essayaient de s'agripper à la hampe des armes. Des mains auxquelles manquaient plusieurs doigts.